mais le document sera donné pour le reste dans son intégralité. Ça, c'est assez important, ça, un problème de proportionnalité. Voilà ce qu'on peut dire sur le principe général de la nouvelle loi. C'est donc une loi qui s'applique à l'administration fédérale dite centrale, c'est-à-dire les départements et les offices fédéraux, mais aussi, sauf quelques exceptions, pour ce qu'on appelle l'administration décentralisée, c'est-à-dire qu'il y a, en principe, les unités de l'administration qui sont considérées comme des établissements autonomes, qui ont des statuts semi-publics, semi-privés, sont en principe soumis à la loi, pour autant qu'ils prennent ce qu'on appelle des décisions administratives. Les documents qui sont liés à leur activité sur le marché, de type concurrentiel, par exemple, on peut songer par exemple à La Poste, eux resteront secrets, évidemment ça serait trop facile pour le concurrent sinon d'obtenir des informations sur leurs activités commerciales. Et puis il y a quelques autorités qui ont été d'emblée acceptées, la Banque nationale et la Commission fédérale des banques. Ça c'est, disons, les effets collatéraux du secret bancaire. La loi a été accompagnée d'une ordonnance, c'est pour ça peut-être qu'entre le temps de son adoption par le Parlement, qui remonte bientôt à 2 ans, il a fallu un certain temps pour mettre en place cette ordonnance d'exécution qui va dans les détails, notamment les modalités d'accès, et ça a mis un certain temps. Je tiens aussi à dire qu'en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur, et ça c'est alors un point très faible de la loi, qui d'ailleurs est une introduction du Parlement, qui semble peut-être a pris peur, je ne sais pas pourquoi, mais le droit d'accès ne s'appliquera que pour les documents qui ont été créés après le 1er juillet. Il n'a aucun effet rétroactif, et je crois que c'est la seule loi au monde sur la transparence qui a refusé l'effet rétroactif.